السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Après la khutbah du jour, comportant ce sujet que vous avez entendu, ذمو الخيانة وخطورتها, le blâme de la trahison, de la traîtrise, sa dangerosité. Beaucoup de personnes ont questionné sur le moyen de repentir. نعم. هل لمن خان الأمانة من توبة, est-ce que celui qui a trahi le dépôt peut se repentir? Et la réponse évidemment, نعم, il peut se repentir. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants, afin d'obtenir le succès. Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne le repentir. Et il nous dit dans le Coran, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dans sourate Az-Zumar, Allah Azza wa Jal nous dit, ô vous mes serviteurs qui avez commis des excès contre votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Dans l'autre verset, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit, et il pardonne en dessous de cela à qui il veut. Le verset de sourate Az-Zumar, on nous dit إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Dans l'autre verset, en dessous du shirk, Allah pardonne tous les péchés. Comment unir entre ces deux versets? Le verset de sourate Az-Zumar, c'est avec le repentir. Avec le repentir, Allah pardonne tous les péchés. Sans repentir, Allah Azza wa Jal a décidé qu'il pouvait pardonner tout péché, sauf le shirk. Sans repentir, la personne est sous la volonté d'Allah pour les péchés qui sont en dessous du shirk. Quant au shirk, Allah Azza wa Jal a décidé qu'il ne pardonnait pas le shirk, si ce n'est avec repentir. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ. Dis à ceux qui ont mécru, s'ils cessent, s'ils arrêtent, s'ils délaissent le shirk, le kufr, s'ils s'en repentent, يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ. On leur pardonnera ce qui est passé. Donc, celui qui fait un repentir sincère, tous les péchés, Allah Azza wa Jal les efface. Et celui qui ne se repent pas, s'il meurt dans cet état, s'il a des péchés en dessous du shirk, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, lui pardonne directement, de par sa miséricorde. Si Allah veut, il le châtie pour ses péchés un temps déterminé, puis il le fait sortir pour le mettre au paradis. Donc sans repentir, si la personne a des péchés en dessous du shirk, elle est sous la volonté d'Allah. Et avec le repentir, Allah Azza wa Jal pardonne tout, même le shirk. Même le shirk. Donc, pour revenir à notre mas'ala, à notre question, celui qui a ضيع الأمانة, خان الأمانة, celui qui a n'a pas honoré, n'a pas respecté le dépôt, celui qui a trahi, na'am, il peut se repentir. Puis, il lui faut savoir qu'est-ce que le repentir, quelles sont les conditions, na'am. L'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala a mentionné trois conditions. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, dans le sharh de l'Arba'in, dans le sharh de Riyad Salihin, nous dit, après étude des textes, on peut en ajouter deux. La première condition, c'est la sincérité. Al-ikhlas. C'est que ce repentir, il soit fait sincèrement pour Allah, à la recherche de son agrément. Il ne se repent pas pour une chose de dunya, il ne se repent pas pour qu'on dise de lui il s'est repenti. Il se repent sincèrement pour Allah. Allah nous dit dans le Coran, wa ma umiru illa li'abudu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyima. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. La première condition c'est du repentir, c'est la sincérité. Les actions ne valent que par les intentions et chacun sera rétribué selon son intention. Il n'aura cependant été ordonné que d'adorer Allah, d'un culte sincère, d'accomplir la salat, de s'acquitter de la zakat. Voici la religion droite. La deuxième condition, c'est l'iqla' ani dhanb, tarku. C'est délaisser le péché, cesser le péché. Donc il doit arrêter le péché. Et il doit arrêter de commettre le péché. Celui qui est dans le péché, il dit astaghfirullah. Il est dans le péché, il n'arrête pas le péché. C'est comme celui qui s'amuse, qui joue. Ça c'est la deuxième condition. La troisième condition, c'est nadam. والعزم على عدم العودة وممارسة هذا الذنب. La troisième condition, c'est le regret. Naam, on a même pu le citer avant l'arrêt du péché. Il regrette le péché. C'est pas, yani, il arrête pas le péché et il se dit, ah, c'était bien quand même. Non, il est démoralisé d'avoir commis ce péché. Il a un profond mal-être d'avoir désobéi à son Seigneur qui l'a comblé de ses bienfaits. Il a la ferme intention de plus retomber dans ce péché-là. Il est déterminé à ne plus commettre ces péchés-là. Il sait que ces péchés l'éloignent d'Allah. Il sait qu'Allah c'est celui qui lui a tout donné. Celui-ci il est proche de lui, il l'exauce, il lui donne, il le guide, il le préserve, il lui pardonne, il l'élève, il le défend, il le protège. Il sait que sans Allah il ne peut pas vivre. Sans la proximité d'Allah et la soumission à ses ordres, il ne peut pas vivre une vie convenable. Naam. Donc il regrette profondément les péchés commis. Et il a la ferme intention de plus retomber dedans. Il ne dit pas astaghfirullah, je jeûne Ramadan et dès que Ramadan finit, je recommence ces péchés-là. Je vais avec des femmes ou je fume ou bien je vends des choses muharramah. Ou bien je vole les gens, ou bien... Non, il arrête ce péché-là. Dans son cœur, il se sépare de ce péché-là. Il ne met pas ce péché entre parenthèses pour un temps déterminé, comme le mois de Ramadan, comme l'Amra, comme le Hajj, comme un voyage. Et ensuite, il se dit, dès que c'est fini, je recommence. Ça, c'est pas un repentir. C'est pas un repentir. Le fait d'arrêter pour un temps déterminé en se disant, je vais recommencer, mais j'arrête juste un temps déterminé parce que je suis en voyage, ou parce que j'ai pas d'argent, ou parce que la personne à qui je commets le péché est absente, ça c'est pas un repentir. Parce que lui, il regrette pas. Il a pas la ferme intention de plus recommencer. C'est juste qu'il a une incapacité à le commettre. Donc, il est sincère, il regrette, il a l'intention de plus refaire, il arrête, et il fait se repentir dans le temps où il est encore accepté. Et ce temps se divise en deux. Le premier temps, c'est le temps général. C'est-à-dire, tout le monde y est sujet. C'est quoi? Jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant. Ça, c'est un des signes de la fin du monde, un des grands signes de la fin du monde. Allah Azza wa Jalla a créé les cieux et la terre, il a ouvert une porte du repentir. Elle ne se refermera pas jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant. Le jour où le soleil va se lever de son couchant, tout le monde va croire. Tout le monde va croire. Mais la porte du repentir sera fermée et on n'acceptera plus le repentir. Et la foi que les gens vont avoir, elle ne sera pas profitable. Sauf pour celui qui avait déjà eu l'iman auparavant. Donc ça, c'est un des grands signes de la fin du monde. Tout le monde va croire ce jour-là. Tout le monde va croire. Ça, c'est le temps général. Le temps particulier, qui touche chaque personne d'entre nous à un temps particulier, c'est l'agonie. C'est l'agonie. Lorsque l'âme atteint cet endroit-là, on n'accepte plus le repentir de la personne qui s'apprête à mourir. Comme on ne l'a pas accepté pour Pharaon lors de sa noyade, alors qu'il agonisait. Alors que celui qui est sur son lit d'hôpital, dont l'âme ne sort pas encore, il peut se repentir. Il peut se repentir. Tant que la personne n'agonise pas, elle peut se repentir. Celui qui a vécu 70 ans dans shirk, billahi azza wa jal, et dans les mauvaises croyances, et dans les égarements, et les perversions, si après ces 70 années de shirk, il se repent, alors qu'il est sur son lit de mort, mais il est encore vivant et son âme n'est pas encore sortie, il n'agonise pas encore, s'il se repent à ce moment-là, na'am, il prononce la shahadatan, et il n'a même pas le temps de prier une raka'a, puis il décède dans cet état-là, Allah Azza wa Jal lui efface tout ce qui est passé. Subhanallah. Allah Azza wa Jal, Arham al-Rahimin, lui efface tout ce qui est passé avant. Et au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, on a vu cela. Des gens qui ont embrassé l'islam et qui n'ont pas prié une seule raka'a, ils sont décédés. Na'am, ils n'ont pas prié une seule raka'a, ils sont décédés. Wa yatubullahu ala man tab. Donc voici les conditions du repentir. Maintenant, il y a, ça c'est le repentir entre le serviteur et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si ça touche le droit d'Ibn Adam, si ça touche le droit d'une personne, il y a une condition en plus. C'est que tu dois t'acquitter de ton devoir envers cette personne. Tu dois lui rendre son droit. Si de l'argent lui a été pris, on doit lui restituer cette somme. Si son honneur a été bafoué, on doit rétablir son honneur. Si on a dit du mal dans une assise, on doit redire, on doit corriger dans cette assise. Et ainsi de suite, ça, c'est du cas par cas ensuite. Si le patron a enlevé du salaire de ses employés, ben il doit leur faire parvenir. Ainsi, il leur rend leurs droits. Si l'employé a trahi le patron et qu'il a pris dans la caisse ou bien qu'il a triché, ben il doit lui faire parvenir. Naam. Si la personne a eu du laxisme dans l'éducation de ceux dont il a la responsabilité, il doit se repentir chez Allah et il doit corriger et il doit se réformer lui-même. C'est-à-dire il doit repartir sur de bonnes bases. Donc chaque domaine à la réforme qui va avec. Quoi qu'il en soit, Allah subhanahu wa ta'ala, ghafiru dhanb, qabil at-tawb, at-tawwab, ar-rahim, al-ghafur, al-ghaffar, Allah tabaraka wa ta'ala est le grand accueillant repentir. C'est celui qui pardonne, celui qui a pitié, qui fait miséricorde. Naam. Et que le serviteur ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce serait être ignorant des noms d'Allah, de sa miséricorde, de ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala aime at-tawwabin. Allah aime ceux qui se repentent beaucoup à lui. Allah nous dit dans le Coran, « Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. » Certes, Allah aime ceux qui se repentent beaucoup. Et il aime ceux qui se purifient beaucoup. Quels que soient les crimes commis, quelle que soit la gravité du péché, le musulman, il ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne cesse de lui demander pardon, il ne cesse de revenir à lui repentant. Et le piège du shaitan, tendu par le shaitan, c'est lequel? C'est d'immensifier aux yeux du serviteur le péché commis, puis de lui mettre dans le cœur que son péché est trop grave pour qu'Allah le lui pardonne. Ensuite, le serviteur revient vers Allah, il se repent, puis Shaitan lui fait prendre des engagements. Il lui fait jurer, il lui fait faire des vœux de ne plus jamais tomber dans ce péché. Une fois cette chose faite, il le repousse au péché. Quand il tombe dans le péché, le serviteur, il se dit là, je peux plus me repentir. Et c'est là où l'étau se resserre sur lui et il s'égare de par cette mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jal. Non, quel que soit le péché, quelle que soit sa gravité, sa fréquence, Allah Azza wa Jal pardonne au serviteur tant qu'il se repent. Et sans repentir, nous avons dit que il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith, inna 'abdan min 'ibadi aznab fa qala rabbi ighfirli. قال الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب فغفرت لعبدي ثم أذنب. Dans le hadith, un serviteur a commis un péché. Puis il a dit, oh mon Seigneur, pardonne-moi. Allah a dit, mon serviteur a commis un péché. Et il a su qu'il avait un Seigneur qui saisissait pour les péchés. Et un Seigneur qui pardonnait les péchés. J'ai pardonné à mon serviteur. Puis le serviteur recommence un péché. Il dit, Rabbi ghfirli. Allah Azza wa Jal dit, mon serviteur a su qu'il avait un Seigneur qui châtiait pour les péchés, ou bien qui saisissait pour cela, et qui pardonnait les péchés. Il m'a demandé pardon, j'ai pardonné à mon serviteur. Et dans le hadith, ça se répète 3 ou 4 fois. À la fin, le Prophète sallam nous dit, qu'Allah Azza wa Jal dit, j'ai pardonné à mon serviteur, qu'il fasse ce qu'il veut. Qu'il fasse ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire qu'il fasse tous les péchés qu'il veut. Ça veut dire que tant qu'il est en cet état-là, il a peur d'Allah Azza wa Jal, il craint la menace et le châtiment d'Allah, il espère le pardon, la rahma d'Allah. Tant que dès qu'il commet le péché, il accourt vers Allah, ben il trouvera Allah Azza wa Jal pardonneur et miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Qu'il fasse ce qu'il veut. C'est ça le sens du hadith. C'est pas l'encouragement au péché. Et adhan billah. Et dans le hadith, kullu bani Adam khatta wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Tout fils de Adam est pécheur. Et le meilleur des pécheurs est celui qui se repent. Et pour vous montrer la vasteté de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et son étendue, ou de son étendue, rappelez-vous l'histoire de Ashab al-Ukhdud. Dans Surat al-Buruj, Allah Azza wa Jal les mentionne. Na'am, ce roi, ce tyran, qui ordonnait d'être adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal et qui prétendait être celui qui méritait l'adoration. Lorsque les gens sont entrés en islam, il a ordonné à ce qu'on creuse des tranchées. Na'am. Et il a ordonné à ce qu'on y mette le feu, un feu ardent. Ensuite, il a ordonné de réunir tous les croyants et de les contraindre à renier l'iman. Et celui qui ne sort pas de l'islam, jetez-le dans le feu. Et ils ont jeté les gens dans le feu. Ils ont jeté les gens dans le feu. Jusqu'à ce qu'on nous mentionne dans le hadith, une femme qui tenait son enfant dans les bras, son nouveau-né. Na'am, elle a hésité. Alors Allah a fait parler cet enfant, allaité. Et il a dit, Smiri ya umma, patiente, ô chère mère. Fa innaki ala al-haq. Car certes, tu es sur la vérité. Cette mère a été affermie par cette parole, elle est entrée dans le feu. Donc ils ont brûlé des croyants, parce qu'ils ont décidé d'adorer leur maître et leur seigneur uniquement, et cela d'un culte sincère. Un culte sincère. Est-ce qu'il y a pire que cela? Malgré ça, Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقُ. إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Ceux qui ont tenté les croyants et les croyantes, de par ce feu, de par tout ce qu'on vient de citer. Ils les ont éprouvés, les ont torturés, les ont tentés. On a tous entendu la gravité de leurs agissements. La suite, ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا. Puis, ne se sont pas repentis. Les ulama et les anciens ont dit, subhanallah, حَرَّقُوا أَوْلِيَا Allah. Ils ont brûlé les alliés d'Allah, les bien-aimés d'Allah, binar, avec le feu, et c'est interdit, personne n'a le droit de faire cela, yani, nul n'a le droit d'utiliser le feu, si ce n'est le Seigneur du feu, pour cela. Ils ont brûlé les serviteurs d'Allah, les alliés d'Allah, avec le feu, parce qu'ils ont dit, la ilaha illallah. Malgré tout cela, Allah Azza wa Jal dit, ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا. Puis ils ne se repentent pas. En d'autres termes, la porte du repentir, elle est ouverte. Malgré la gravité de leurs actions, s'ils se repentent, Allah Azza wa Jal leur pardonne. Subhanallah. ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا. فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. Ils auront le châtiment de l'enfer jusqu'à la fin du verset. Donc, subhanallah. Yani, qui va dire qu'il a commis des actes semblables à ces gens-là? Très loin sont les péchés des croyants de ces gens-là. Donc il ne faut jamais désespérer du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa miséricorde. Allah yafrahu bi tawbati 'abdi. Allah se réjouit du repentir de son serviteur. Plus que le serviteur qui est dans un désert, avec sa monture et sur laquelle il y a ses vivres, sa boisson, sa nourriture. Lui, sa monture part, il est en plein désert. Na'am, alors il se met au pied d'un arbre, il attend la mort. Il s'assouplit, lorsqu'il se réveille, il retrouve sa monture. Par excès de joie, il dit, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Par excès de joie, il dit, oh Allah, je suis ton Seigneur et tu es mon serviteur. Akhta'a min shiddatil farah. Il s'est trompé de par l'excès de joie. Personne ne peut savoir la difficulté, puis la grande joie qu'a cet homme-là dans cette situation, si ce n'est celui qui a déjà vécu ça. Bah Allah Azza wa Jalla se réjouit encore plus du repentir de son serviteur que cet homme-là qui pensait mourir en plein désert, puis a retrouvé sa monture. Et Allah se réjouit, pas parce qu'il a besoin de nous, ni de nos adorations, mais parce qu'il a le choix de nous punir pour le péché ou de nous faire miséricorde. Et celui qui se repent, il est parti vers la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, et sa miséricorde a devancé sa colère. فَهَذِي ذِكْرَ وَذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Ceci est un rappel, et le rappel est profitable aux croyants. أَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَغْفِرَ لَنَا وَأَنْ يَتُوبَ عَلَيْنَا إِنَّهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ التَّوَّابُ الْكَرِيمُ. في الجمعة الماضية ذكرنا قصة الثلاث. La semaine passée, nous avons mentionné l'histoire des trois, dont Allah Azza wa Jal a mentionné l'histoire dans le Coran, et leur repentir, accepter, agréer chez Allah subhanahu wa ta'ala, et la bonne finalité de la véracité, de dire toujours la vérité. Il y a de nombreuses leçons à tirer. On en a cité pas mal. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dans Riyad Salihin en a mentionné beaucoup. On peut ajouter quelques-unes de ces fawaïd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant 20 nuits, il a fait taksir pour la salat. Au lieu de prier 4 unités, il en faisait 2. Et il n'a pas défini de jour précis, mais il a rattaché ce jugement au voyage. De là, un des avis les plus forts parmi les avis des savants est que le voyageur, tant qu'il est en voyage, comme a expliqué Ibn Uthaymin, il peut prier la prière du voyageur. De l'histoire de Ka'b ibn Malik, on tire la permission pour la personne elle-même de raconter son histoire, même s'il y a des défauts, bien des péchés, s'il y a une leçon dedans. Ka'b ibn Malik mentionne qu'il n'est pas parti à Ghazwat Tabuk. Na'am. Et dans cela, il y a une désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré ça, il raconte l'histoire de par la grande sagesse et les grandes leçons qui s'y trouvent. La permission de faire les éloges de celui qui a du bien. La permission de faire les éloges du muslim. Car dans le hadith, on avait à plusieurs reprises les éloges. Et aussi la permission de se faire ses propres éloges, si ça n'est pas dans un contexte où on se vante. Car Ka'b ibn Malik a mentionné que même s'il n'a pas participé à la bataille de Badr, il était là à Al-Aqaba. Na'am, ici, il montre son mérite. Aussi, il n'a jamais délaissé une expédition. Il n'a jamais délaissé une expédition si ce n'est celle-ci. Cela aussi fait partie des éloges. Mais tant que la personne ne se vante pas, ou tant qu'il y a une sagesse, c'est permis. comme l'a fait Othman ibn Affan yawm ad-dar, le jour où il a été agressé, assassiné, radiallahu an. Et comme le font les savants qui enseignent, lorsqu'ils disent qu'ils ont de la science, et lorsqu'ils disent qu'ils sont sur la vérité, pour qu'on vienne prendre de leur science. Comme le disait Abdullah ibn Saoud, si j'avais connaissance d'une personne sous les cieux plus savante que moi sur le Coran, naam, alors je voyagerais vers lui. Pour dire que c'est un grand savant du Coran parmi les sahaba, pour nous encourager à prendre la science de lui. Et c'était un des plus savants sur les causes de révélation, radiallahu an. Il ne convient pas à l'imam, au savant, ou au prêcheur, ou celui qui a une place, de délaisser celui qui tombe dans le péché. Mais il doit plutôt aller le voir, le conseiller pour le pousser à se repentir, et l'orienter, et le tirer vers le bien et la vérité. Comme l'a fait le prophète, alayhi salatu wassalam, avec les compagnons. Le fait de se comporter avec les gens selon leur apparence, et de ne pas fouiller leur intérieur. Seul Allah Azza wa Jal connaît le contenu des poitrines. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a accepté ce qui est apparent des hypocrites. Quand ils ont justifié, et ils ont dit, on n'est pas venu avec toi, parce que. Il a pris ce qui était apparent. Et il a abandonné leur intérieur à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les jugements, dans ce bas monde, sont sur l'apparence. Ils sont sur l'apparence. Dans la prosternation de Ka'b ibn Malik, lorsqu'il a reçu la bonne nouvelle de l'acceptation du repentir d'Allah Azza wa Jal, on voit que c'était l'habitude des sahaba, ce qu'on appelle sujoud al-shukr, la prosternation de la reconnaissance. La prosternation de la reconnaissance. Et dans les livres de fiqh, les savants mentionnent après ahkam salah ou bien sifat salah, et ils mentionnent sujoud al-sahu et sujoud al-shukr. Il mentionne la prosternation de la distraction, comment est-ce qu'on répare la salat, et il mentionne aussi la prosternation de la reconnaissance. C'est-à-dire, lorsqu'Allah Azza wa Jal te donne un bienfait, na'am, ben tu tombes en prosternation, pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala devant ce bienfait. Donc Ka'b ibn Malik radiallahu anhu, dès qu'il a entendu, abshir, réjouis-toi, il a fait la prosternation. Et ça, c'est une sunnah qu'il faut revivifier. Na'am, tu apprends une bonne nouvelle. La réussite à un examen, na'am, ou bien la guérison d'un proche malade, ou bien une naissance, ou bien elle est une chose qui était difficile, Allah la facilite, et ainsi de suite. Na'am, tu tombes prosterné pour remercier Al-Mun'im subhanahu wa ta'ala. Le prophète, alayhi salatu wassalam, comme nous le dit Abu Bakr, radiallahu an, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, idha atahu amrun yasurru kharra lillahi sajida. Dans le cas de l'imam Abu Daoud, rahimahullahu ta'ala, authentifié par l'imam Al-Albani, il est venu également dans d'autres livres comme At-Tirmidhi et autres. Abu Bakr, radiallahu anhu, nous dit, quand le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui parvenait une bonne nouvelle, qui le réjouissait, et il tombait prosterné. Kharra lillahi sajidan. C'est pour cela que certains parmi les savants ont dit, je te mets debout d'abord. Naam, je te mets debout d'abord, et ensuite tu tombes prosterné. Je te mets debout d'abord, et ensuite tu tombes prosterné. Et dans le recueil de l'imam Bukhari, lorsque le prophète sallam a reçu la bonne nouvelle de l'islam de Hamdan, il est tombé prosterné et a remercié Allah subhanahu wa ta'ala pour les avoir guidés. Il avait envoyé Ali ibn Abi Talib. Tayyib. Dans le comportement de Ka'b ibn Malik avec la lettre du roi de Ghassan, on voit Celui qui a la foi ferme, comment est-ce qu'il doit se comporter devant les causes qui peuvent l'égarer? Il doit couper ses causes de l'égarement. Il doit enlever ses causes de perversion. Celui qui, par exemple, il a un ordinateur. Et entre quatre murs, il craint pas Allah. Quand il est en public, il craint Allah. Mais quand il est en privé, il craint pas Allah. Il va sur des sites sales. Il va sur des sites de pervers, de perversion. Il se repent, puis quand il faiblit, il retombe dans ça. Il se repent, quand il faiblit, il retombe dans ça. Lui, il enlève cet ordinateur de la maison. Il enlève cet ordinateur de la maison. Il coupe les causes qui le font tomber dans cette chose-là. Il coupe les causes qui le font tomber dans cette chose-là. Aussi, Ka'b ibn Malik, lorsque la personne est arrivée chez lui, et il lui a offert deux vêtements. Et de là, on voit le fait de remercier ou de récompenser, de dédommager ou bien de récompenser, on va dire, celui qui nous annonce une bonne nouvelle. Ou celui qui nous fait un bien. Naam, on lui donne quelque chose, ce qu'on peut. Hada huwa. Nous passons au chapitre suivant. Al-Wufud. Al-Wafd, c'est une délégation. C'est-à-dire qu'après la conquête de la Mecque, certains parmi les tribus arabes attendaient de voir le dénouement de cette situation. Car Quraysh était respecté, c'était les chefs des Arabes, les détenteurs de la clé de la Kaaba, les gardiens de Baytullah al-Haram. Alors ils avaient cette grande place. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était de leur peuple. Donc ils se disaient mutuellement, attendons la finalité de cette affaire. S'il est réellement prophète et messager, Allah va lui donner la victoire sur eux. À ce moment-là, on entrera en islam. Et si ça n'est pas vrai, ben on restera sur nos positions. C'est pour cela qu'après la conquête de la Mecque et l'ordre du prophète alayhi salat wa salam établi, ben beaucoup de tribus sont venues à Médine, sont venues se convertir à l'islam et prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en l'an 9 et ce qui a suivi, on appelle ça Amul Wufud, l'année des délégations, Amul Wufud. Parce que c'est l'année où il y a eu beaucoup de déplacements de tribus, de chefs de tribus, de délégations vers le prophète alayhi salatu wassalam pour embrasser l'islam. Les gens sont beaucoup entrés en islam. Naam, les gens sont beaucoup entrés en islam et cela même par tribu. Par tribu. Donc, l'an 9 est l'année de Al-Wufud, des délégations. Mais il ne faut pas penser que toutes les délégations ont attendu l'an 9 pour venir. Non, on a déjà vu des cas où ils sont venus avant. Mais comme ça a été mentionné, les Arabes attendaient le dénouement de la situation entre le prophète sallam et les plus nobles chez les Arabes, les détenteurs de la Kaaba, Quraysh. De la clé, na'am. Amr ibn Salama, comme c'est rapporté par al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, wa radiyallahu an, il nous dit, kanat al-Arab talawwamu, ayyantadhiruna, les Arabes attendaient, ils attendaient le dénouement de tout cela. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la victoire par la grâce d'Allah Azza wa Jal, ils sont beaucoup entrés en islam. Ibn Sa'd, rahimahullah ta'ala, a mentionné des dizaines de wafd qui sont venus voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Et les savants, après étude des chaînes de transmission et des histoires, ont mentionné que certaines étaient avérées, et d'autres ne reposaient pas sur des chaînes de transmission, authentiques. Beaucoup parmi les savants ont mentionné cela, comme Ibn Kathir, Ibn Ishaq, wa akharun rahimahumullah ta'ala. Premièrement, il y a Yani ce n'est pas dans l'ordre, mais il y a le wafd de Bani Tamim. Il y a le wafd de Bani Tamim. Tribu très connue, très célèbre. L'imam al-Bukhari l'a mentionné. Abu Bakr radiallahu anhu et Omar étaient aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam. Et chacun donnait son avis au prophète alayhi salatu wassalam. Quant à Abu Bakr, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de mettre en responsable al-Qaqa'. Naam, il lui a dit de mettre en responsable al-Qaqa' radiallahu anhu. Quant à Omar, lui recommandait le prophète alayhi salatu wassalam de choisir plutôt al-Aqra' ibn Habis. L'un donnait son avis et l'autre le contredisait ou bien disait son propre avis. Puis l'autre répétait wa hakada, Abu Bakr Omar, Abu Bakr Omar. Jusqu'à ce que ça a donné lieu à une petite dispute. Jusqu'à ce que ça ait donné lieu à une petite dispute. Abu Bakr radiallahu anhu n'a pas apprécié que Omar ibn Khattab insiste de la sorte. Il lui a donc dit ma aratta illa khilafi. Allez, avec tes dires là, en réalité tu ne cherches qu'à me contredire. Tu ne recherches qu'à me contredire. Puis leurs voix se sont élevées. Fahum bashar. Naam, ils sont humains et non infaillibles. Fa'anzal Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuha alladhina amanu. La tuqaddimu bayna adayillahi wa rasoulih. Naam, puis Allah azza wa jalla a révélé les versets. Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager, craignez Allah. Et il y a aussi l'interdiction de l'élévation des voix. Après Tabouk, il y a eu le wafd de Bani Sa'd ibn Bakr. Le wafd de Bani Sa'd ibn Bakr. Et on trouve cela dans le Bukhari et Muslim, selon Anas ibn Malik, radiallahu anhu. Il dit, « Bainama nahnu julusun fil masjid » Ayma al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors que nous étions assis dans la mosquée en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est alors qu'un homme est entré à la mosquée avec sa monture. Il est descendu et il l'a attaché. Dans une autre version, la version de l'imam Madha, dans une autre version, la version de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, Banu Sa'd ibn Bakr ont envoyé l'imam ibn Tha'alaba. L'imam, avec un dad et un mime à la fin, l'imam, pas l'imad, l'imam ibn Tha'alaba. Il l'a envoyé avec une délégation près du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un homme fort, avec une chevelure, et il avait deux nattes. Il est entré et a dit, donc il est à la mosquée, « Ayyukum Muhammad ?» Lequel d'entre vous est Muhammad ? Alors que le prophète sallam était assis en compagnie de ses compagnons. Cela prouve quoi ? Le fait qu'il questionne au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est assis avec ses compagnons. Dites-moi. « Mada nastafid min hada ?» La modestie du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. De quel point de vue? La tenue vestimentaire. Ça veut dire que le prophète sallam ne se distinguait pas avec une couronne, comme c'était le cas chez l'Ajim. Il ne se distinguait pas avec un vêtement particulier, ou avec un trône de roi et autres. Non. Il était assis comme ses compagnons. Il était assis comme ses compagnons. Il avait la tenue que ses compagnons avaient, sallallahu alayhi wa sallam. Alors que c'était le meilleur de toute l'humanité. Et de toutes les créatures, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne se distinguait pas par un vêtement particulier, avec des bijoux et de l'or et ainsi de suite, comme tu voyais à l'époque. Sallallahu alayhi wa sallam. Ayyukum Abdul Muttalib. Lequel d'entre vous est Ibn Abdul Muttalib? Naam, de la descendance de Abdul Muttalib. Qala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ana Ibn Abdul Muttalib. Sallam a dit moi, je suis le fils de Abd al-Muttalib, yani de sa descendance, car en réalité Abd al-Muttalib, c'est pas le père du prophète sallam, c'est qui? C'est le Jadd, c'est son grand-père. Naam, c'est son grand-père. Mais le père est un père, le grand-père est un père, et ainsi de suite. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمِ Youssouf a.s. nous dit, j'ai suivi la voie de mes pères, Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Ibrahim, c'est pas son père, c'est un de ses ancêtres. Naam, son père c'est Yaqub, son grand-père c'est Ishaq, et son arrière-grand-père c'est Ibrahim. Pourtant il a dit, آبَائِ. Tout comme la grand-mère, c'est comme la mère. Tout comme le grand-père, c'est comme le père. Et l'arrière-grand-père, et ainsi de suite. Naam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est moi. Alors, l'imam a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, inni sa'iluka fa mushaddidun alayk. Je vais te poser quelques questions et être dur. Naam. Filmas ala dans mes questions. La tajid alayk ou alayya fi nafsik. Yani ne m'en tient pas rigueur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit sal amma bada alak. Demande sur ce que tu veux. Qala as'aluka bi rabbik wa rabbi man qabl wa rabbi man قبلك الله أي هل الله أرسلك إلى الناس كلهم il lui a dit je te demande par ton Seigneur et le Seigneur de ceux qui t'ont précédé est-ce Allah qui t'a envoyé à l'ensemble des gens c'est-à-dire en tant que messager قال اللهم نعم prophète عليه الصلاة والسلام a dit oui dans une autre version أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك dans une autre version je te demande par Allah ta divinité et la divinité de ceux qui t'ont précédé la divinité de ceux qui viendront après toi est-ce Allah qui t'a ordonné Allah amaraka an ta'murana. Est-ce Allah qui t'a ordonné de nous ordonner an na'budahu wahdahu la sharika la? De l'adorer seul sans rien lui associer. Quoi que ce soit, shay'an, wa an nakhla'a hadhihi al-andad allati kana aba'una ya'budunahu ma'a. Et de délaisser les fausses divinités, les égaux que nos ancêtres adoraient avec Allah. Wa sallam lui dit Allahumma na'am. Il lui dit oui. Puis il lui demande sur les piliers de l'islam sauf le hajj. À chaque fois il lui dit par Allah je te demande est-ce Allah et ainsi de suite. Le prophète lui répond à chaque fois Allahumma na'am. Il l'a questionné sur les 5 salats. Est-ce Allah qui lui a ordonné? Il a dit Allahumma na'am. Il a demandé sur le jeûne du mois de Ramadan. Est-ce Allah qui a ordonné? Il a dit Allahumma na'am. Sur la zakat Allahumma na'am. Puis l'imam a dit amantu bima ji'ta bih. Il lui a dit, j'ai cru à ce avec quoi tu as été envoyé. Et j'entre en islam. Naam, j'entre en islam. Wa ana rasulu man wara'i. Il a dit, je suis l'émissaire de ceux qui se trouvent derrière moi. C'est-à-dire, j'ai été envoyé, et je suis l'émissaire de ces gens-là. Ana dhimam ibn Tha'laba, akhu bani Sa'd ibn Bakr. Et il lui a dit, je suis dhimam, Ibn Tha'laba, akhu bani Sa'd ibn Bakr. Puis il a dit, ashhadu an la ilaha illallah, wa annaka rasulullah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné des choses, puis il est reparti à Madha, à son peuple, et il a dit, je n'ajouterai rien à cela, je n'enlèverai rien à cela. Le prophète sallam a dit aux compagnons, Iyasduq yadkhulil jannah. S'il est véridique, il entrera au paradis. L'imam est revenu à son peuple et il a dit, Bi'satil lat wal uzza. Il a dénigré al-lat, il a dénigré leur fausse divinité al-uzza. Qalu ma hadhi ya imam. Qu'est-ce que cela au dhimam? Les gens de son peuple, ils étaient sur shirk. Lui, il les a quittés dans shirk. Et lorsque la foi a pénétré son cœur, il est revenu et il a combattu al-shirk. Et ils lui ont dit, si tu ne cesses pas, nos divinités vont te toucher d'un malheur, ils vont te toucher d'un mal. Naam, comme le font ceux qui se rendent auprès des Sahara, et qui ont des chouyours et des frais, et ainsi de suite, et des disciples du soufisme. Si tu n'arrêtes pas, ils vont te toucher, si tu n'arrêtes pas, ils vont toucher ta famille, et tu auras du malheur, et tu n'auras pas de baraka, et tu auras ça, et tu auras ça. Naam, ils disent un tel, c'est un grand marabout, et un tel, c'est un grand frais, et un tel, et un tel. Ils essayent de faire peur des fausses divinités, ils essayent de faire peur des sorciers, ce genre de personnes. Naam. Alors que tout cela est faux. Et il n'y a qu'Allah Azza wa Jalla qui a l'ordre tout entier, qui décide de tout ce qui se passe dans les cieux ou sur la terre. Naam. Subhanahu wa ta'ala. Alors, il les a appelés au tawhid. Il les a appelés au tawhid. Et il leur a dit, malheur à vous, ce que vous adorez là ne peut ni vous toucher de mal, ni vous toucher de bien. Certes, Allah a envoyé un messager et lui a révélé un livre par lequel il vous sauve. Et il vous sauve de ce dans quoi vous étiez. Et je témoigne moi qu'il n'y a point de divinité si ce n'est Allah seul sans associé. Il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah seul sans associé. Et que Mohammed est le serviteur et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous viens de lui jusqu'à la fin du hadith. Fa aslama qawmuhu kulluhum. Tout son peuple, subhanallah, tout son peuple est entré en islam. Tout son peuple est entré en islam. C'est pour ça qu'Abdullah ibn Abbas a une célèbre parole sur l'imam. Qu'est-ce qu'il a dit à son sujet? Naam. Qu'a dit Ibn Abbas, radiallahu an, au sujet de l'imam, radiallahu anhu. Il a dit, radiallahu anhumma, فَوَاللَّهِ مَا أَمْسَى مِنْ هَذَا الْيَوْمِ وَفِي حَاضِرِ رَجُلٌ وَلَمْرَأَةٌ إِلَّا مُسْلِمًا. Par Allah, ce jour n'est pas passé sans qu'il n'y ait un homme ou une femme, c'est-à-dire de ce peuple-là, sans qu'il ne soit entré en islam. Sans qu'il ne soit entré en islam. Ma sami'na min wafd ou min wafidi qawmin kana afdala min dhimam. Nous n'avons jamais entendu un responsable de délégation qui a été meilleur que l'imam. Et yani la baraka qu'il a ramené à son peuple, subhanallah, l'islam. Il est venu, il a écouté le prophète sallam, il a cru en lui, il est revenu, il a appelé son peuple à l'islam, ils sont tous rentrés en islam. Allahu Akbar. Ils sont tous rentrés en islam. C'est pour ça que Abdullah ibn Abbas disait, il n'y a pas un meilleur wafid, il n'y a pas un meilleur responsable envoyé par son peuple qui a été meilleur que l'imam ibn Tha'alaba. Naam, qui a été meilleur que l'imam ibn Tha'alaba pour son peuple. Du fait qu'il est venu à eux, à l'islam. L'imam Ibn Tha'alaba n'est pas à confondre avec l'imad al-Azdi. L'imad al-Azdi. Qui est l'imad al-Azdi? Sans détailler son histoire, on en a déjà parlé. C'est dans Sahih Muslim, si je ne me trompe pas, Naam, dans Sahih Muslim. Qui se souvient de sa qissa? Matadkurun? Elle est connue, son histoire. Peut-être que vous ne savez pas que c'est d'Imad. D'Imad, radiallahu an, est venu à Mecca. Il est min Azd, al-Azdi. Wa kana yarqi min hadhihi ar-rih. Il faisait ruqya. Naam, il faisait ruqya et Allah Azza wa Jalla guérissait par sa cause certaines personnes touchées de maladies, de djinn ou là de sihr et ces choses-là. Lorsqu'il est arrivé à Mecca, lorsqu'il est arrivé à Mecca, il a entendu les gens parler sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il disait de lui parmi leurs mauvaises paroles? Il disait, il est majnoun, n'est-ce pas? Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnoun. Allah azza wa jalla a réfuté ces gens-là. Il disait, Mohammedun majnoun, la tusaddiqu. Son propre oncle disait de lui, il est majnoun, ne le croyez pas. Dimad, radiallahu an, car on va voir comment il s'est converti, a dit, si seulement je rencontrais cet homme, alors je pourrais lui faire ruqya, et peut-être qu'Allah le guérira, par ma cause. Falaqiyahu, faqala ya Muhammad, inni arqi min hadhihi ar-rih. Il l'a rencontré, il lui a dit, oh Muhammad, je fais ruqya contre ce mal, et contre les djinns, et les shayatins, et ainsi de suite, qui t'ont touché. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وبلتو إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال ضماد أعد علي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Dhimad lui a proposé de lui faire ruqya, pensant qu'il avait perdu la raison, le prophète sallam lui a récité, toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Nous le louons. Nous recherchons l'aide auprès de lui. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qu'il égare, nul ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah seul sans associé. Et que Mohammed est son serviteur et messager. Amma ba'd. Dhimad a dit, A'id alayya hadhil kalimat. Répète-moi ces mots, ces paroles, ha'oula. Fa'a'adahunna alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager lui a répété. Il lui a dit, a'idha alay. Il lui a dit, répète-moi. En tout, il lui a répété donc deux ou trois fois. Il lui a répété trois fois. Qal, Dhimad a dit, laqad sami'tu qawla al-kahana. J'ai certes entendu les paroles des devins. Wa qawla al-sahara. Les paroles des sorciers. Wa qawla al-shu'ara. Les paroles des poètes. Fama sami'tu mithla kalimatik. Je n'ai jamais entendu semblable, pareil que tes paroles. Je n'ai jamais entendu pareil ou semblable à tes paroles. Wa laqad balaghna na'us al-bahr. Qal fa qala hat yadak ubay'uka 'ala al-islam fabay'a. Puis il lui a dit, donne-moi ta main afin que je te prête allégeance sur l'islam. Naam. Il entre en islam. À la base, il est venu pourquoi? Il entend une personne qui m'a dit, je vais lui faire ruqya. Subhanallah. Regardez les isha'at. Comment est-ce qu'on dit en français déjà? Les rumeurs. Naam. Regardez les rumeurs. Subhanallah. Tu entends telle rumeur sur un prophète, le meilleur de la création. On dit de lui qu'il est majnoun. Donc, tu ne t'étonnes pas quand tu entends des rumeurs sur Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Naam, certains disent qu'on a vu Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala en telle année et il était sur le minbar de telle ville, de telle mosquée et il est descendu de la marche et il a dit Allah descend au ciel de ce bas monde comme cela. Kadhib, c'est du mensonge. Et comme le disent les savants de la sunna, s'ils mentent, on utilise contre eux at-tarikh, on utilise contre eux l'histoire, la chronologie, les dates. À ce moment-là, Ibn Taymiyyah était en prison. Regardez ces menteurs. Ibn Taymiyyah est en prison. Ou bien ils disent que parmi les rumeurs que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, il n'aime pas la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Naam. Et il tue les musulmans. Et il interdit d'aimer les awliya, les alliés d'Allah. Et il n'aime pas les alliés. Et plein de rumeurs comme ça. C'est pour cela qu'un jour un savant a dit, tu as combien d'enfants? Une personne avait reçu cette ambiguïté. Lui, elle, t'as combien d'enfants? Il a dit, par exemple, j'ai 5 enfants. J'ai dit, c'est quoi le nom de tes enfants? Il a dit, par exemple, Abdullah, un tel, un tel, un tel, un tel. Il est d'accord. Cheikh Mohammed al-Wahhab avait plusieurs enfants. On va voir maintenant les noms, on va comparer les noms que tu as donnés, toi, et les noms que lui, il a donnés. Naam. Qu'est-ce qu'on trouve? Al-Hassan. Ça fait partie de la famille du prophète sallam. Parmi les filles, tu vas trouver par exemple Ruqayya, Fatima, Umm Kulthoum. Parmi les garçons, tu trouves les noms de la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Ça, c'est une marque d'amour évidente. C'est une marque d'amour évidente pour le prophète alayhi salatu wassalam et des gens de la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Et lorsqu'on prend Kitab al-Tawhid ou Thalathat al-Usul, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah. On trouve que du Coran, que de la Sunna, des paroles de compagnons. Et il y a très peu de ces mots à lui. Donc ce sont des rumeurs qu'on propage comme ça. Ils disent, Ahlu Sunna, la yusalluna ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent, la Sunna, ils ne prient pas sur le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Kadhaboun, sur le minbar des khutab entières, que sur le sujet, le bienfait de le prier sur le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ahlu Sunna wal Jama'a, ils prient sur le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et ils recommandent, ils enseignent aux gens le sens de la prière sur le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Combien de mensonges? Ils disent, yani les ulama de la sunna, ils disent que tout est haram. C'est faux. Les ulama de la sunna disent, la base dans les choses, c'est que c'est licite. La base dans les choses, c'est que c'est permis tant qu'il n'y a pas un texte qui l'interdit. Ça, c'est ce que disent les sunna wal jama'a. Mais combien de rumeurs? Combien de rumeurs sur les ulama de la sunna, et sur les prêcheurs de la sunna, et sur les gens de la sunna? Combien de rumeurs? Donc ici, ils ont mis cette rumeur sur le prophète, alayhi wa sallam, il a perdu la raison. Il est majnoun, c'est un menteur, c'est un sorcier, il a perdu la raison, et plein de choses encore qui sont mentionnées dans le Coran et la Sunna. Dhimad est venu, lui, avec une bonne intention, et celui qui a une bonne intention, Allah le guide. Lui ne savait pas que c'était du mensonge et de la calomnie. C'est pour ça que lorsqu'il a entendu la vérité, Allah Azza wa Jalla lui a accordé la réussite, et il est entré en Islam. L'histoire n'est pas finie. Quand il s'est converti à l'Islam et il a prêté allégeance, le prophète lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, wa ala qawmik, tu me prêtes allégeance, yani pour toi et pour ton peuple aussi. Et il lui a dit, wa ala qawmi, sur mon peuple aussi. Et c'était kana sayyidan. Naam, c'est un responsable, c'est un chef. Et il lui a dit également, sur mon peuple. Puis le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé dans une expédition. Il lui a envoyé une expédition. Et des gens étaient partis en expédition et ils avaient pris des choses qui appartenaient au peuple de Dhimad. Alors le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, est-ce que vous avez eu quelque chose? Ils ont dit oui, très peu. Il y a un petit récipient ou là, des choses comme ça. Le prophète m'a dit, rudduha, rendez-les car cela fait partie du peuple de Dhimad. Radiallahu an. Voici l'histoire de la conversion de Dhimad et le suivi de son peuple et la baraka qu'il a été pour son peuple. Ça, c'est Dhimad al-Azdi. Naam. Et celui qu'on vient de mentionner, c'est Dhimam, avec un mim. Ibn Tha'laba. Ibn Tha'laba. Radiallahu anhum. Parmi les délégations, il y a eu le wafd de Thaqif. Il y a eu le wafd de Thaqif, dans lequel Imam Ahmed rahimahullah ta'ala, on se rappelle lorsque les compagnons ont dit au prophète sallam de faire dua contre eux. Puis le prophète sallam a dit quoi? Allahumma hdi thaqifa. Oh Allah, guide thaqif, le peuple ou la tribu de thaqif. Plus tard, ils sont venus, ils se sont convertis à l'islam. Ils se sont convertis à l'islam. Wahb ibn Munabbi, rahimahullahu ta'ala, un des plus prédécesseurs, a questionné Jabir, radiallahu anhu, au sujet de Thaqif. Jabir a raconté, a dit que Thaqif est venu et s'est converti à l'islam. Bayat, lakinna ashtaratat. Elle a prêté allégeance, mais elle a émis des conditions. Allez, on entre en islam, mais avec telle condition, telle condition, telle condition. La première condition, la natasaddaq, on donne pas l'aumône. Et on n'accompagne pas au combat. on ne donne pas l'aumône, on n'accompagne pas au combat. Puis le prophète sallam a dit, ils donneront les aumônes et ils participeront au combat. Et en effet, ils sont convertis à l'islam et ces conditions madha ont disparu. C'est rapporté par l'imam Abu Daoud rahimahullahu ta'ala. Une personne parmi ce peuple a été touchée d'une maladie contagieuse, le zuzam. L'imam Muslim rahimahullahu ta'ala mentionne que le prophète sallam lui a pas prêté allégeance en lui serrant la main. Mais il a plutôt dit, yani de l'éloigner, et il a dit irdir, yani qu'il retourne sur ses pas, qad ba'ya'anak. On lui a prêté allégeance. Ici, il y a l'affirmation de la réalité de la maladie contagieuse, donc. Ça existe. Mais, biqadarillah, ça existe et c'est une réalité, mais c'est une chose qui est décrétée par Allah. C'est pas parce que la personne a une maladie contagieuse que forcément en touchant l'autre personne, ou en faisant la chose qui est sujette à la transmission, forcément elle va être contaminée, non. C'est biqadarillah. C'est avec le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'en est-il du hadith? La adwa. Que faire alors du hadith dans lequel le prophète sallam nous dit, dans un autre hadith, la adwa. Il n'y a pas de contagion. Comment on unit ces deux hadiths? Il n'y a pas de contagion. On a étudié en Kitab al-Tawhid, il me semble. Pour ceux qui ont étudié Kitab al-Tawhid. Naam, comment est-ce qu'on explique cela? Il faut savoir qu'il y a une règle dans le dîn. C'est qu'il n'y a jamais de contradiction effective dans le Coran ou dans la Sunna ou entre le Coran et la Sunna. Il ne peut pas y avoir deux versets non abrogés qui se contredisent. Il ne peut pas y avoir deux hadiths non abrogés qui se contredisent. Même si en apparence ça peut avoir lieu, en apparence, mais que ce soit effectif, non, c'est impossible. Parce que c'est la révélation d'Allah Azza wa Jal. Et Allah est parfait, il a révélé ce qui est parfait. Il n'y a pas de contradiction. Et c'est une preuve de la véracité du Coran, parce qu'Allah dit, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Si cela avait été d'un autre que Allah, le Coran, ils y auraient trouvé beaucoup de contradictions. Beaucoup de contradictions. Donc ça, c'est la règle. C'est pour cela que quand il y a deux hadiths qui en apparence se contredisent, les savants unissent entre les deux. Ils unissent entre les deux. Donc le premier hadith, on l'a expliqué. L'affirmation de la maladie contagieuse. Qu'en est-il du hadith la adwa? Il n'y a pas de maladie contagieuse, il n'y a pas de transmission possible. Ce qui est voulu dans ce hadith, ce qui a été nié dans ce hadith, est différent de ce qui a été affirmé dans l'autre. Ce qui a été nié dans ce hadith, c'est la adwa. C'est la maladie contagieuse qui avait comme conception les gens de la jahiliya. C'était que ça avait toujours lieu, indépendamment du fait de la volonté d'Allah et de son décret. Est-ce que c'est compris? Dans la jahiliya, ils affirmaient l'adwa, la maladie contagieuse et les épidémies et autres. Mais pour eux, ça c'était indépendamment de la volonté d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire c'est automatique. Il y a une maladie, celui qui est touché par cette maladie, forcément elle va se répandre à l'autre et à l'autre et à l'autre. Nous ne disons pas ça. Nous disons que ça existe, mais ça ne peut se répandre qu'avec le décret d'Allah et sa volonté universelle. Qu'avec le décret d'Allah et sa volonté universelle. C'est pour ça que tu trouves que telle personne a telle maladie, na'am, à la base elle se transmet au contact de la peau. Par exemple, la gale. Pourtant, il est en contact avec telle personne. Lui, il est malade et elle n'a pas été malade. Puis, une troisième personne, elle est tombée malade. Le sixième n'est pas tombé malade et ainsi de suite. Ça, là, on trouve cela. Et parmi les cas les plus, les plus bouleversants, un frère parmi nos frères de Ahl Sunnah, qui a la maladie du sida. Et il est marié à une femme. Naam, qui elle aussi probablement a cette maladie, qu'Allah leur accorde la guérison et l'endurance. Il vient à la fin d'une conférence, et j'avais mentionné, subhanallah, des choses semblables. Et il se présente et il m'informe qu'il est malade. Naam. Puis, plus tard ou dans la même assise, j'ai oublié, il me dit, Allah Azza wa Jal m'a donné un enfant. Une fille, si je me souviens bien. Et il me dit, elle est pas malade. Allahu Akbar. Sachant que parmi les plus grandes formes de transmission, c'est la naissance. Le sang et ainsi de suite. Bah, Allah subhanahu wa ta'ala qaddar que tel homme soit malade, de cette maladie grave, telle femme, mais que l'enfant qui en sortira, lui sera en bonne santé, bihamdillahi tabaraka wa ta'ala. Donc, c'est Allah qui décrète. C'est Allah qui décrète. Naam. Et c'est Allah qui soigne. Et c'est Allah qui décide, subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est juste pour citer cette faïda que j'ai mentionné cela. On a mentionné deux ou trois wafd. On a mentionné combien? Trois. Donc le quatrième, Wafdu Bani Abdi Qais. Bani Abdi Qais. C'est mentionné dans Sahihay, dans le Bukhari et Muslim, Hadith Abdullah ibn Abbas. Ils sont venus voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Il leur a dit, Mani al-Wafd. Qui est la délégation? Mani al-Qawm. Qui êtes-vous? Ils ont répondu, Rabi'a. Rabi'a, c'était une grande tribu connue arabe. Une grande tribu arabe. Elle est célèbre. Elle est connue. Et ils étaient au Bahreïn. Eux ne sont pas venus en l'an 9. Mais ils sont venus en l'an 5 et dans le mois de Rajab. Donc ça montre qu'il y a eu des wufoud, des délégations qui sont venues voir le Prophète avant cela. Ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit, nous te venons de loin. Et entre nous et toi, il y a les insulateurs de Moudar. Et on ne peut t'atteindre si ce n'est fi ashuril hurum, dans les mois sacrés. Parce que dans les mois sacrés, les croyants et les non-croyants respectaient. Naam, ces quatre mois sacrés, il n'y avait pas la guerre durant ces mois. قال امرنا بامر نخبر من وراءنا informe-nous donc, ordonne-nous donc afin qu'on informe ce que nous avons laissé derrière nous. ولا ندخل الجنه. Donc on est venu te voir pour prendre de toi la science appliquer pour entrer au paradis et faire da'wa à notre retour. Ici, regardez l'ordre. Ils sont partis chercher la science. Ils ont demandé l'orientation. Et après cela seulement, ils vont informer ce qu'ils ont laissé derrière. Est-ce qu'ils ont fait da'wa en premier, ou ils sont partis d'abord apprendre, ils appliquent pour eux, ensuite ils font da'wa, dites-moi. On fait da'wa en premier ou on apprend en premier? On prêche, la da'wa c'est la prédication, la transmission, l'enseignement. C'est quoi qui passe en premier? La science ou bien le prêche? La science. Celui qui n'a pas la science, comment est-ce qu'il pourra donner? Celui qui n'a pas une chose, comment est-ce qu'il pourra la transmettre? Et de là, tu vois l'égarement d'un groupe qu'on appelle Jama'atut Tablir. Certains de temps à autre se sont fait appeler, ou bien dans certains endroits, Jama'atut Da'wa. Le groupe de la prédication. Jama'atut Tablir, le groupe de la transmission. Ils accordent énormément d'importance au prêche, mais très peu à la science. Tu peux trouver dans leur rang un homme, et c'est une secte. C'est une secte parmi les gens de l'innovation. Et dans l'islam, les sectes, c'est interdit. Le sectarisme, c'est interdit. Il y a une communauté, il n'y a pas plusieurs communautés. La division et le sectarisme, c'est haram en islam. Et c'est une secte qui est née, naam, il y a quelques siècles seulement. Il y a quelques siècles seulement, suite à un rêve d'un homme qu'on appelle Mohamed Ilyas. Suite à un rêve. Il s'est vu en rêve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon ses dires, naam, mais en réalité, quand c'est du faux, c'est un shaitan. Naam, c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un shaitan qui vient dans le rêve des gens égarés. Surtout les gens comme ça, adeptes du soufisme et de certaines branches du soufisme. Naam. Et on lui dit en rêve, tu vas revivifier l'islam, tu vas prendre un programme, et tu vas prendre 6 bases, et tu vas faire comme cela, et les gens vont te suivre, et tu seras à la tête d'un grand mouvement, et ainsi de suite. Donc il est parti voir les gens, le Prophète sallam a dit faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, et ils l'ont fait. Et ils font un programme. Non, par exemple, ils viennent dans les mosquées, et ils font un discours. Ils disent pas, par exemple, comme le Prophète sallam a dit, Alhamdulillah, Nahmadu. Non. Ils ont une phrase qu'ils ont apprise, et ils doivent dire que celle-ci. Chers frères, vous savez tous que notre bonheur dans ce bas monde et l'au-delà, jusqu'à la fin plutôt. Et ensuite, ils ont des règles précises. Ils doivent être au minimum 4. Est-ce qu'on peut aller prêcher à 2? Non, faut être 4. D'où tu sors ça? Il y en a un, c'est le dalil. C'est la carte. C'est le guide. C'est celui qui connaît bien le quartier. Par exemple, on est au Courtilière, nous? Ici? Non. On a Pantin, on a Bobigny, là. On a un Pantin. Naam. Et on est au quartier des, où il y a le quartier des Courtilières. Ben, Salim, c'est le Dalil. Parce que c'est lui qui connaît le quartier. Alors c'est lui qui va nous amener là-bas, là-bas, parce qu'il connaît lui, il connaît lui. Et comme moi je suis du centre, ben, je peux pas être le Dalil. Parce que je connais pas bien le quartier. D'accord? Ça c'est, des suppositions, c'est pas la réalité des faits. Salim, il était enfant, moi, j'étais déjà là. Je suis plus Dalil que lui. Donc, quand j'avais 11 ans, j'étais derrière là-bas. Toi, t'avais quel âge, Salim? T'étais pas Dalil, quand même. Tarek, t'étais où, toi? Toi aussi, t'avais même pas de barbe à cette époque-là. Taïb. Donc, Salim, c'est le Dalil parce qu'il connaît le quartier. Ensuite, il y a celui qui va parler, il y a le Shir. Mais le shir, il peut avoir 20 jours d'islam. Subhanallah. Peut-être qu'il s'est converti à 20 jours, il connaît rien. Il lui dit, lève-toi, parle. Il dit, je connais pas, il lui dit, parle, t'inquiète, ça va venir. Ça, c'est pas des fables, hein. Ça, c'est des choses qu'on a vues, qu'on a entendues. Et par la grâce d'Allah Azza wa Jal, Allah nous a guidés à la sunnah. Pas, on n'a pas été garé à cela, wallahalhamd. Donc, il y a qui on a dit? Il y a le dalil. Il y a le shir, mais le shir, comme vous avez compris. Même le chine, Allah alam s'il a. Naam. Peut ne rien connaître. Peut ne rien connaître. Il peut avoir quelques jours d'islam, peut-être. Et c'est lui qui vient, qui va parler aux jeunes du quartier. Les jeunes du quartier, ils font la salade avec nous depuis 20 ans. Subhanallah al-Azim. Il lui dit, mon frère, tu vois l'arbre, c'est Allah qui l'a créé. Tu vois la feuille, c'est Allah qui l'a créé. Kuffar Quraysh, il connaissait ça. Qu'est-ce que tu viens nous parler de ça? Yani, tu viens apprendre aux jeunes du quartier que c'est Allah qui a créé l'arbre, que c'est Allah qui a créé la feuille. Kuffar Quraysh, Abu Lahab, il le sait ça. Tu dois mentionner cela, si tu veux mentionner cela, pour arriver au but. Lui faire reconnaître qu'Allah est unique dans la Seigneurie, c'est lui le créateur de cet arbre, le créateur de nos personnes, c'est lui qui nous a donné, donc le seul à mériter l'adoration. Là oui, ça c'est le message du Coran. Par contre, de mentionner Tawhid al-Rububiyya et s'arrêter à là, comme a dit Cheikh Mukhbir rahimahullah ta'ala, si les tablirs avaient été présents du temps du Prophète sallam, Kuffar Quraysh, ils seraient rentrés avec eux dans le dîn. Parce que pour eux, le dîn, c'est juste dire qu'Allah est le créateur, ou kada, ou kada. C'est pas ça l'islam. C'est pas ça l'islam qui sauve, c'est pas ça le tawhid qui sauve. Il faut aussi reconnaître le droit à l'unicité d'Allah que pour Allah Azza wa Jal. Wa idha dhukira Allah wahda, shma'azzat qulubu alladhina. Amada, c'est pas ce verset-là que je voulais dire. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون لا ويقولون إن لا تارك آلهتنا لشاعر مجنون. Lorsqu'on leur disait dites la ilaha illallah, ils se gonflaient d'orgueil et disaient allons-nous délaisser toutes nos divinités pour une seule, pour un poète fou? On va délaisser toutes les divinités, on va adorer une seule divinité maintenant pour un poète fou? Donc eux, leur problème, il n'est pas dans le fait de dire qu'Allah a créé la feuille, Allah a créé l'arbre. Ils le savent ça, ils y croient. Qu'Allah c'est celui qui donne la subsistance. Ils savent tout ça. Qu'Allah a créé les cieux et la terre, ils savent tout ça. Mais ils divergent avec leur prophète dans quoi? Dans la ilaha illallah. Dans quoi? Dans tawhid al-uluhiyya. Il est là. C'est là où il y a la divergence. Eux, ils se concentrent sur tawhid al-rububiyya. Donc il y a Dalil, il y a le Cheikh, il y a aussi le moteur, celui qui donne la, comment on va dire ça, il donne la pêche aux autres. Comment? Est-ce qu'ils ont un câble entre eux? Non. Le moteur, il reste à la mosquée lui. Il reste à la mosquée, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du zikr. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Qu'est-ce que tu fais, akhi? Je donne de la force aux autres. Comment tu donnes de la force aux autres? Il y a une chose que, il y a que eux qui peuvent comprendre. Il y a que eux qui peuvent savoir ce qu'ils sont en train de faire. Mais nous, ce qu'on sait, c'est des bid'ahs. C'est des innovations, ça n'existe pas dans l'islam. C'est du soufisme prononcé, contemporain, mais c'est pas la sunna. Tu fais du zikr, c'est pour toi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. C'est les meilleures paroles. Mais ça va pas donner de la force à celui qui est en train de marcher au courtilière, subhanallah al-azim. Vous avez compris leur procédé, leur système ou pas? Ils disent qu'il y en a un qui reste à la mosquée. Quand il fait du zikr, ça donne de la force aux autres. Subhanallah. Ça donne de la force aux autres. Tayyib. Le quatrième, ou bien ils sont trois, là je sais plus c'est quel quatrième. Peut-être il fait à manger ou là, je sais pas. Tayyib. Il doit faire une action, j'ai oublié laquelle. Ou là, j'ai oublié. Ensuite, ils disent que le plus important pour que la communauté retrouve son majd, sa noblesse et autres, c'est la da'wah. Donc, ils donnent pas beaucoup d'importance à la science. Pourquoi? Parce que si tu étudies une semaine, puis tu te retournes sur eux, tu vas dire, mais c'était l'arnaque ça. C'est une arnaque. Donc, ils sont contre la science, ils détestent la science. C'est pour ça qu'on a questionné Cheikh Abdallah al-Rodayan, rahimahullah. Il fut questionné, est-ce qu'on peut sortir avec eux? Il a dit non. Il dit, est-ce qu'on peut, yani, mais pour aller faire da'wah, il dit, eux, ils ont besoin de da'wah. Eux, ils sont ignorants, ils ont besoin de da'wah, eux. Naam, ne sors pas avec eux, ils ont besoin de da'wah, mais ils veulent pas la da'wah, que toi tu leur fasses da'wah. Ils aiment tellement la da'wah que quand on vient leur faire da'wah, ils n'ont pas le temps, on est occupé, ça c'est du djidel, faut pas débattre, faut pas. Mais toi t'as dit c'est la da'wah, moi je suis venu te faire da'wah, pourquoi t'écoutes pas? Parce que c'est une secte. Naam. En quelle année? 2019. J'ai plus de force pour faire des calculs, mais taqriban, il y a environ 15 ans. Naam, il y a environ 15-16 ans. Par la grâce d'Allah Azzawajal, on était au Hajj. Et avec des frères. Et il y a deux tabliris qui sont venus nous voir. Salam alaikum les frères. Alors, au premier abord, souvent ils sont très gentils. Tant que tu les contredis pas, ils sont très gentils. Mais quand tu les contredis, des fois, comme c'est pas ça la Courneuve ou autre, casse des bras. Non, ils agressent des gens. Donc, parmi ce qu'ils nous ont dit, les frères, vous savez, on est dans une ni'ma, oui, on est dans, jazakallah khairan, c'est vrai, on est dans une ni'ma, ils ont continué à parler, et à un moment, ils ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour vous montrer comment il parle sans science, a créé spécialement des shayatines pour nous faire rater le hajj. La hawla wa la quwwata illa billah. Alors le frère qui est à côté de moi était à l'affût de leurs paroles. Il lui a dit, t'as dit quoi? Naam, excuse-moi, t'as dit quoi? Il a dit, c'est quoi la preuve de ça? Wallahi, en une minute, ils étaient plus là. Il a dit, le premier a attrapé les hommes, il a dit, on doit partir, faut pas dire, voilà, Jidal a fait le hajj. Il n'y a pas de polémique pendant le hajj. Alors que ça ne veut pas dire ça le verset. Hein? Les débats scientifiques, tout ça, c'est permis même pendant le hajj, il n'y a pas de problème. Mais c'était pour se sauver. Dès qu'il trouve une personne qu'il réfute, il se sauve. Et là, ils ferment la da'wah. Tout ça pour dire, c'est une secte. Naam, et ils ont beaucoup d'innovations, beaucoup d'égarements. Ils disent, par exemple, pour faire da'wah, il faut sortir. Par exemple, on s'assoit pas ici à la mosquée. Ça, c'est pour les petits, c'est pour les débutants. C'est quoi, alors, le vrai prêche? Dites-nous, c'est quoi, pour être un haut gradé? Faut faire quoi? Faut voyager. C'est pas grave, même si tu vas pas loin, mais tu te coupes de ta famille, de tes parents, épouse, enfants. C'est bizarre, parce que je croyais que le prophète m'avait dit rester avec ma mère. C'est là-bas mon paradis. Éduquer mes enfants, et ainsi de suite. C'est quel dîne, ça? Se couper de la mère, couper de la famille? Connais pas ça, nous, dans notre dîne. S'il y a un besoin, on voyage, on s'occupe ensuite de la famille. Ils disent, tu dois sortir pour prêcher, dormir à la mosquée et apprendre à vivre. Mais il y a des jours précis. Il y a des jours précis. C'est comme un contrat. Tu peux pas, par exemple, dis, bon d'accord, moi je vais aller prêcher deux jours. Il dit non, il n'y a pas deux jours. C'est 4 jours. Pourquoi 4? C'est comme ça, chérie l'a dit. D'accord, tu veux partir plus? C'est 10 jours. Je peux venir 7? Il n'y a pas 7. Pourquoi? Chérie l'a dit. Quand maintenant tu es vraiment gradé, il y a 4 mois. 4 mois là, t'es qui? T'es l'imam Ahmed, rahimahullah. Na'am, quand tu fais 4 mois, comment dire? Toi le mufti ou le président, t'es au-dessus. Quand tu fais 4 mois, t'as un titre honorifique. On dit, lui il est parti 4 mois. Waouh, il est parti 4 mois. Na'am. Plus que celui qui a hafaz le Coran peut-être. Il est parti 4 mois. Pendant 4 mois, juste il a dormi au masjid. Il a vécu avec ses camarades. Il a appelé au Tawhid al-Rububiyya. Il a fait. Naam. Pendant 4 mois, ils vont où? Toi, tu pourrais te dire, ils vont à la Mecque. Ou ils vont à la Médina. Non. Ils vont au Pakistan. Ils vont en Inde. Naam. Et parmi les pires choses que eux-mêmes disent, c'est qu'il y a un endroit où il y a des tombeaux. Et ils font tawaf autour des tombeaux. Et un de la mosquée, là, il a reconnu ça. Hein? Ça, il le cache, bien évidemment. Il a eu l'honnêteté de le reconnaître. Même s'il va être fâché suite à tout ce que j'ai dit là. Mais on cherche pas son agrément, c'est pas grave. Mais il a eu l'honnêteté de reconnaître que c'est vrai. Mais c'est une minorité. On veut pas savoir, mais une minorité, majorité. Mais c'est une réalité que eux cachent. Des tombeaux et du tawaf autour. Ça, c'est une ibadah, tawaf. Elle se fait que autour de la Kaaba. Naam. Et Allah musta'an, une fois on est au Gabon, da'wa avec le frère Sadak wafakahullah, ils ont essayé de l'agresser. Naam. Parce qu'il a dit la vérité. Donc un est venu, il est venu d'un autre pays, et il a tenté de l'agresser. Ensuite les gens, ont séparé. Et pendant la conférence, il m'a insulté en pleine conférence. Naam. Lorsque j'ai dit que le consensus le plus fort, c'est le prêche des messagers sur la ilaha illallah. En pleine conférence, il a dit espèce de menteur. Naam. Espèce de menteur. Il a insulté comme ça. Jusqu'à la fin de la conférence. Ensuite, le responsable, il leur a mis une mise à jour. Taïeb. Tout ça pour vous dire que on commence pas par le prêche. On commence par la science. D'abord, tu apprends. Puis tu appliques sur ta propre personne. Maintenant, tu transmets. Puis tu endures sur les nuisances qui vont en découler. Et la preuve de tout cela est dans des sourates que nos enfants mémorisent depuis longtemps. Allah dit dans le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Par le temps, l'homme est dans une grande perdition. Sauf ceux qui ont cru, ça fait mention de la science, wa amilu salihat, on fait les actions pieuses, ça c'est la mise en pratique de la science, wa tawassaw bil haqq, se sont enjoints mutuellement la vérité, c'est-à-dire, là ils transmettent, wa tawassaw bis sabr, ils s'enjoignent mutuellement l'endurance, ça c'est l'endurance. Donc voici les 4 étapes. L'apprentissage, la mise en pratique, la transmission et l'endurance. Ça, c'est le chemin de la vérité, le chemin du Coran et la Sunna. Par contre, juste da'wa, sans science, ça passe pas, c'est pas valable. On referme cette parenthèse importante. Donc, si quelqu'un vient te voir dans le quartier, il dit, viens, sors avec nous 4 jours, kada, kada. Tu lui dis même pas une seconde, je sors avec toi. Na'am, là, je sors, je vais faire des courses pour ma mère, je rentre. Ah, kada, barakallahu feikoum. مرنا بأمر نخبر من وراءنا. Ordonne-nous une chose afin qu'on informe ceux qui sont derrière nous et qu'on entre au paradis. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. Il leur a dit, je vous ordonne 4 choses et je vous interdis 4 autres. آمركم بالإيمان بالله. Je vous ordonne la foi en Allah. أتدرون ما الإيمان بالله. Je vous ordonne la foi en Allah. Savez-vous ce qu'est la foi en Allah? Ils ont répondu, Allah wa Rasoulou a'lam. Il leur a développé l'islam. Ça, c'est une preuve que quand on cite al-iman seul, s'englobe l'islam avec. Et quand on cite l'islam seul, s'englobe l'iman avec. Mais quand on cite l'islam et l'iman dans le même contexte, comme dans le hadith Jibril, alors l'iman ce sont les actions, c'est intérieur, et l'islam c'est extérieur, comme la prière. Et l'iman intérieur comme la foi aux anges. Puis, il leur a interdit quatre choses, sont des récipients dans lesquels ils mettaient des choses qui devenaient de l'alcool. Qui devenaient de l'alcool comme le cidr et ainsi de suite. Al-dubba, al-naqir, al-hantam, et un autre récipient. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans ces récipients? Par exemple, al-naqir, c'était fait de cœur de palmier, ou bien de feuilles, ou bien de tronc de palmier. Ils en faisaient des récipients. Ils mettaient les dattes dedans, ou bien du raisin dedans. Et ça avait une grande faculté à devenir rapidement de l'alcool. Ça devenait un enivrant. D'accord? C'est pour ça que le roi Salem leur a interdit ces récipients. Parmi les membres de cette délégation, Abd Qais, ou Bani Abd Qais, il y a un homme qui s'appelle Al-Ashadju. Al-Ashadju Abd Qais. Son surnom, Al-Ashadju Abd Qais. Il s'appelle Al-Munzir. Son prénom, c'est Al-Munzir Ibn Amir. Al-Ashadju Abd Qais. Il s'appelle Al-Munzir Ibn Amir. Quand ce peuple est arrivé, ils se sont empressés d'aller vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à lui, Al-Ashadj Abd Qais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris du recul, il est descendu de sa monture. Non, vous imaginez un groupe qui arrive, qui saute de leur monture, qui court vers la mosquée, ils vont voir le prophète, ils l'attrapent, ils l'embrassent, et ainsi de suite. Et puis tu vois un homme, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il descend de sa monture tranquillement, il l'attache. Non, il l'attache, il s'occupe des bêtes, puis il vient tranquillement. Quand le prophète alayhi salam l'a vu ainsi, et il lui a dit, inna fika khaslatayn yuhibbuhuma Allah wa rasuluhu. Al-hilm wal-anat. Al-hilm wal-anat. Wa fi riwayah al-haya. Il y a en toi deux qualités. Vous imaginez la situation? Il y a en toi deux qualités qu'Allah et son messager aiment sur toi. Subhanallah. Imaginons, on est tous là. Le prophète sallam dit à une personne d'entre nous, t'as deux qualités, Allah et son messager les aiment. Allahu Akbar, c'est magnifique. Tout le monde voudrait avoir ces qualités. Et par la grâce d'Allah Azza wa Jalla, le hadith nous parvient au jour d'aujourd'hui. Quelles sont ces qualités? Le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit, al-hilm wal-anat. Al-hilm, c'est la mansuétude. Fait de ne pas se précipiter à donner le résultat, à punir, et ainsi de suite. Al-hilm, naam, tu prends du recul, naam, t'as une douceur, t'as pas une grosse précipitation, al-anat, al-hilm, al-anat, c'est ça. C'est le fait de ne pas avoir de précipitation dans les affaires, dans les jugements, le fait de prendre du recul, le fait d'être quelqu'un d'apaisé. Dans une autre version, al-hilm, la mansuétude, et al-haya, la pudeur. Les sahaba avaient ces qualités, mais lui les avait de manière plus prononcée et plus apparente. Donc on doit chercher à voir ces qualités. Puis, al-ashadj, radiallahu anhu, a dit, ya Rasulallah, ajabalani Allahu alayya, أو عليها أو عليهما أم تخلقت بهما. Ô messager d'Allah, est-ce que ce sont deux traits de caractère sur lesquels Allah m'a naturellement mis? Allah me les a donnés comme ça. Je penche vers ces qualités par la grâce d'Allah Azza wa Jal, sans effort de ma part, à comprendre. Ou تخلقت بهما, c'est-à-dire j'ai acquis ces qualités-là, j'ai fait un effort en plus de ce qu'Allah Azza wa Jalla m'a donné comme grâce. Tout vient d'Allah Azza wa Jalla. Mais j'ai une part dedans, dans l'effort et ainsi de suite. Et le tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les cas. Puis le prophète sallam lui a dit, non, mais c'est plutôt Allah qui t'a mis sur ça. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit alors, Alhamdulillah, alladhi jabalani ala khuluqayn yuhibbuhum Allah wa rasul. Il a remercié Allah en disant, toutes les louanges reviennent de droit à Allah, celui qui m'a mis tout naturellement sur ces deux traits de caractère, qu'Allah et son messager aiment. Qu'Allah et son messager aiment. Et il faut savoir que les comportements sont de deux types. Il y a ce qu'on appelle al-jibilliya, les comportements naturels, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal a fait qu'un tel soit doux. Allah Azza wa Jal a fait qu'un tel soit généreux. C'est pas lui qui a travaillé cette qualité, il est comme ça. Naam, vous avez déjà rencontré des frères, ils sont tout doux. Subhanallah, ils sont tout gentils. Même s'il est yani, très grand, très fort, naam, il est tout gentil, juste il parle tel tu l'aimes bien, tellement il est doux. Vous avez déjà rencontré comme ça ou bien il n'y a que la violence chez vous? Naam. Il y a des frères, ils sont tout doux, tout gentils, masha'Allah. Naam. Et il y en a qui sont rudes. Hein, des brutes. Ils sont brutaux un peu. Mais c'est comme ça, ils sont sur ça. Puis quand tu parles avec lui, il est normal à la kulli hal. Mais au premier abord, il est un petit peu spécial. Et d'autres spécialement doux. Certains spécialement généreux. Il fait pas d'effort, c'est complètement normal, c'est comme ça. Naam, il est doux, il te touche, il est affectueux, il est gentil, il est généreux. Il est comme ça. Il est comme ça, il est au service des autres, ou là il est généreux ou bien. D'autres, ils n'avaient pas ces qualités-là. Ils étaient par exemple avares. Ils étaient durs, ils étaient rudes. Mais ils ont appris. Ils ont étudié ce hadith. Ensuite ils ont étudié un verset. Alors ils se sont corrigés, ils ont fait un effort. Ils ont fait un effort. Auparavant, dès qu'une personne lui manquait de respect, il l'attrapait par la gorge. Puis il a fait un effort sur lui. Dès qu'une personne lui manque de respect, il met ses mains dans ses poches. Puis il a encore fait un effort. Dès qu'une personne lui fait une nuisance, il dit « A'udhu billahi minash shaitanir » Puis il sourit. Puis il fait un cadeau à celui qui lui fait du mal. Yani il a travaillé sur lui. Il a fait des efforts sur lui. On connaît des gens. Certains ne les respectent pas. Dans le passé, certains ils n'arrivaient pas à respirer fort à côté d'eux. Mais quand ils sont entrés dans le dîn, ils sont devenus tout doux. Ceux qui ne les connaissaient pas, certains leur manquent même de respect. En pensant qu'ils sont faibles, ils sont juste éduqués. Naam, juste faut pas les faire retourner dans le passé. Ce sont des gens qui ont fait un effort sur leur personne, au point d'acquérir par la grâce d'Allah Azza wa Jal, des nobles caractères. Ça, c'est ce qu'on appelle al-muktasab. Le premier, c'est al-jibilli. Allah l'a naturellement mis sur ce bon comportement. Le deuxième, lui a fait un effort jusqu'à l'atteindre. Est-ce que c'est compris? Le deuxième, lui a fait un effort jusqu'à l'atteindre. Donc nous, on doit étudier les nobles caractères et on doit faire un effort pour les atteindre. Certains, Allah Azza wa Jalla nous a facilité, nous a mis dessus. D'autres, c'est comme ceux qui disent, c'est un peu contre sa nature. C'est-à-dire que lui, il n'est pas comme ça à la base. Mais il sait qu'Allah aime cela, alors il le fait. Par exemple, il aime trop son argent. Il n'arrive pas. Quand il achète une baguette, il refait les comptes juste après. Alors, qui sait qu'une baguette, ça coûte 95 centimes, ou là, 90 centimes, ou là, 1 euro, ou 1 euro 10. Naam. Donc, il sait qu'il faut juste enlever 1 euro. Non, il refait ses comptes. Quand il achète une chose, il refait ses comptes. Quand son épouse va acheter une chose, il lui donne des pièces précisément. C'est combien? Il ne donne pas un billet de 50. Il lui dit, c'est combien? C'est 18,90. Il lui donne 18,90. Naam. Yani, il aime son argent à un point, il n'arrive pas. Il sait qu'il est comme ça. Mais il est sur ça. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des efforts. Naam, il doit acheter une chose qui coûte 18,90. Aujourd'hui, il sort avec 20 euros. Et il dit, faut que je rentre avec zéro. Faut que je fasse une sadaqa de 1 euro. Pour lui, c'est très dur. Alors, il commence avec ses 1 euro. Et après, il continue. Après, il continue. Après, il donne des fruits. Après, il donne des légumes. Après, il passe à la viande. Après, c'est Ramadan, tu le vois qu'il ramène des plats. Tu dis, subhanallah, il est trop généreux le frère. Mais en vrai, lui, il a travaillé pendant un an pour qu'arrive à Ramadan, il arrive à poser un plat pour 10 personnes. Il a travaillé. Et d'autres parmi nos mamans, subhanallah, wallah, elles ont pas d'argent. Elles font à manger, elles t'appellent. Si tu viens pas chercher, elles t'insultent. Naam. Elles font un plat pour 10 personnes, elles disent, je te ramène à la mosquée. Elles connaissent pas le al-ashaj, elles connaissent pas qala Allah qala Rasulullah, elles connaissent pas ça. Mais elles savent sadaqa hasanat paradis. Elles connaissent que ce résumé là, c'est pas les restes, pas écrire la maman. Elle sait que sadaqa hasanat paradis. C'est tout. Elle sait faire à manger. Elle dit tiens, va poser à manger à la mosquée. Ça ce khuluq là, ce qu'elle a, c'est jibili. Allah Azza wa Jalla l'a mis sur ça, la générosité. Le fait de faire des sadaqat. Il y en a, ils sont pas forts dans les sadaqat. Mais ils aiment, yani, par exemple, la science. D'autres, ils aiment, chacun ce dans quoi Allah Azza wa Jalla lui a facilité. Tout ça pour dire, il faut remercier Allah pour les deux. Et il faut demander à Allah, subhanahu wa ta'ala, d'avoir toujours et encore plus. Il y a eu ensuite, pour finir, wafd Bani Hanifa. Parmi Bani Hanifa, il y a une personne, tristement célèbre. Qui est cette personne de Bani Hanifa? Naam, qu'est-ce qu'il parle? Naam, Musaylimatul Kadhab. Ahsant, jazakallahu khairan ayyuha as-sadiq. Musaylimatul Kadhab. Musaylima faisait partie de quelle tribu? Bani Hanifa. Mais à cette époque, lorsqu'ils sont venus, lui était là, mais il prétendait pas encore être un prophète. Mais il avait déjà ses mauvais comportements. Mais il n'avait pas atteint le niveau de cette prétention gravissime. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a rapporté ce hadith. Selon Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu. Savez-vous ce qu'a dit ce jour-là, lorsque cette délégation est venue voir le prophète sallam, Moussa Ilima? Savez-vous ce qu'il lui a dit? Ce qu'il a osé lui dire, ce qu'il a osé dire au prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit, ou bien il a dit, ja'ala li Muhammad al-amra min ba'di taba'tu. Il a dit, si Muhammad me donne l'héritage de cet ordre-là, c'est-à-dire quand il meurt, c'est moi le chef, alors je le suis. Je le suivrai. Naam, je le suivrai. Et ils étaient beaucoup. Banu Hanifa, ils étaient très nombreux. Ils sont donc venus à Al-Madina. Et il y avait la maison de Ramla, qui était la demeure de l'Wufud. Quand les gens venaient à Al-Madina, et qu'il y avait un groupe, il y avait un endroit connu où on accueillait les délégations. D'accord? On accueillait les délégations. Il y a des gens connus comme ça. Quand il y a des invités, on sait que c'est chez eux que ça se passe. C'est eux qui vont les accueillir. Ils ont des pièces, ils ont de quoi offrir une belle hospitalité. Donc, ils sont descendus à cet endroit-là, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur est venu en espérant qu'ils se convertissent, en espérant qu'ils empruntent la droiture. Moussa Ilima a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'associer à lui dans son rôle. Est-ce que la prophétie c'est muktasab, par exemple? Est-ce que c'est une qualité qu'on peut acquérir? On fait des efforts jusqu'à devenir prophète, c'est possible ou pas? Non. C'est un istifa. C'est Allah qui choisit le meilleur. Il est élu et élevé au niveau de la prophétie par la révélation. C'est pas une chose qu'on peut acquérir. Mais tu peux devenir siddiq, très véridique. Salih, pieux. Ça, c'est des choses qu'on peut travailler. Donc Moussa Ilima a demandé à s'associer au prophète alayhi salatu wassalam dans sa mission. Et comme on a mentionné, si tu me donnes l'héritage de cet ordre, je le suivrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait quelque chose dans sa main. Il avait un bout de quelque chose, j'ai oublié, de palmier ou autre. Vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu vois ce que j'ai dans la main là? Vois-tu ce qu'il y a dans ma main? Si tu me demandais ça, je te donnerais pas. C'est-à-dire, toi tu me demandes d'être associé dans la prophétie et d'être le chef après moi. Même ce que j'ai dans la main là, tu me le demandes, là je te le donne même pas. Je ne te le donne même pas. وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ اللَّهُ فِيكَ. Et tu ne transgresseras pas l'ordre d'Allah sur toi. Naam, dans une autre version, je ne transgresserai pas l'ordre d'Allah sur toi. C'est-à-dire, je ne vais pas te donner ce que tu demandes, et toi, tu ne vas pas outrepasser ton niveau. Tu ne vas pas outrepasser ton niveau. Puis, ماذا il a dit, وهذا ثابت ابن قيس. Qui était ثابت ابن قيس? Quel rôle particulier il avait aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple? Et quel célèbre hadith à son sujet? Qui sait? Naam. C'était le poète du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus généralement, c'est son orateur. Jazakallah khair. J'aurais pas pu trouver ce mot aussi éloquent du français appris au Mali, mais c'est ce que je voulais dire. Son orateur. Khatib Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. C'est là, il a dit, c'est quoi orateur? Hein? Et on lui parle en arabe, il comprend mieux l'arabe que nous, masha'Allah. La hawla quwata illa billah. Khatib Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. C'était son orateur. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, wa hadha thabit ibn Qais yujibu anni. Et voici Thabit ibn Qais qui va répondre pour moi. Naam, qui va répondre pour moi. ثم انصرف عن في سئل وني. Quelle histoire on a de connue avec Thabit ibn Qais? Naam, quelle histoire connue on a avec Thabit ibn Qais? Tu vas chercher pour la semaine prochaine. T'as la réponse? Suite à une partie de la révélation de Sourate al-Hujurat, la tarfa'a sawtakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bi bil qawl ka jahri ba'dikum li ba'd aw ba'dha an tahbata 'amalukum wa antum la tash'urun. N'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du messager ou du prophète, de peur que vos actions soient annulées, deviennent vaines, alors que vous ne vous en rendez pas compte. Naam. Naam. Thabit ibn Qais, lorsqu'il a entendu ce verset, il s'est senti visé, parce qu'il avait une voix très portante. Il avait une voix très portante. Alors il est rentré chez lui, il est resté chez lui, il sortait plus, il pleurait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ayant perdu de vue, a dit, que fait Thabit? Alors un sahabi a dit, je vais aller m'enquérir de sa situation. Il est revenu à dire à Rasulallah, il reste chez lui, il fait que de pleurer, et il dit qu'il fait partie des habitants de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'Allah a révélé ce verset-là, et je suis celui qui parle le plus fort auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le prophète sallam a dit aux compagnons, retourne le voir. Non, fais pas partie des habitants de l'enfer. Mais dis-lui plutôt, tu fais partie des Allah n'a pas annulé tes œuvres et tu fais partie des gens des habitants du paradis. Allah Akbar. Thabit ibn Qais fait partie donc de al-mubashirin bil jannah, de ceux qui ont reçu la bonne nouvelle du paradis de leur vivant. Ceux qui ont reçu la bonne nouvelle du paradis de leur vivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est donc bel et bien vrai. Ou une parole semblable. Naam. Wa inni la araka alladhi uritu fi ma ra'ayt. Et je vois ici ce qu'il m'a été permis de voir. Que veut dire ce passage-là? Abdullah ibn Abbas a demandé à Abu Hurayra, qu'est-ce que ça voulait dire quand le prophète m'a dit ça? Et il lui a expliqué qu'en réalité le prophète m'avait fait un rêve. Il avait fait un rêve, sans rapport avec Moussaïlima tout le temps, toujours. Il a fait un rêve, et dans son rêve, il a vu qu'il avait dans la main deux bracelets en or. Qu'il avait dans la main deux bracelets en or. فَأَهَمَّنِي شَأْنُهُمَا. Et ça a préoccupé mon esprit. Naam. Il m'a donc été révélé dans mon rêve un infukh huma, yani souffle dessus sur ces deux bracelets. Je l'ai fait et elles se sont envolées. Ou ils se sont envolés. Fa awwaltuhuma kadhabayn yakhrujani min ba'di. Et il dit, je me suis vu, donc j'ai soufflé sur ces deux bracelets, elles ont volé. Et l'explication de ce rêve est qu'il y aura deux grands menteurs après moi. C'est-à-dire qu'ils vont prétendre être des prophètes. Qui vont prétendre être des prophètes. Qui sont les deux grands menteurs? Le premier, c'est facile. Musaylimatul Kadhab. Franchement, A'udhu Billah, tu mens à un point où dès que ton nom est mentionné, c'est mentionné avec le menteur. A'udhu Billah. Musaylimatul Kadhab. Qui est le deuxième? Un peu plus difficile. Andaman. J'ai pas entendu. J'entends pas. Pas de Dajjal. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aswad al-Ansi. Aswad al-Ansi. Ces deux-là sont morts du temps du prophète alayhi salatu wa sallam dans une mauvaise posture. Quant à Musaylimah, qu'est-ce qu'il a assassiné? Wahshi radiallahu anhu, après son islam. Naam. Quant à Al-Aswad, quant à Al-Aswad, c'est Fayrouz, c'est Fayrouz Ad-Daylami radiallahu anhu. Fayrouz Ad-Daylami radiallahu anhu. Et Musaylimah, vous avez entendu, c'est Wahshi. On s'arrête sur cette partie. On finira le Wufud la semaine prochaine avec le premier Hajj. Avec à la tête des croyants qui? Qui est-ce qui a emmené les croyants au Hajj? Naam? Abu Bakr. Abu Bakr, As-Siddiq radiallahu anhu. C'est pas le Prophète sallam. Naam? Il a eu la dernière Umrah du Prophète sallam, la quatrième. Puis il y a eu le Hajj de Abu Bakr. Naam? À la tête des croyants. Donc la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, on mentionnera certaines délégations. Naam? Et l'histoire du Hajj avec à leur tête Abu Bakr envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il nous restera Hajjatul Wada', le pèlerinage d'adieu du prophète sallam, et ensuite la suite. Wa salli Allahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين